vendredi 23 mai 17h30, vous écoutez La Vie en BD. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et avec un petit biais économique cette semaine, pourquoi pas, donc quelques parutions récentes réalisées par des auteurs québécois qui s'intéressent aux dérives du système actuel, aux dérives notamment liées à la crise économique qui a éclos en 2008, aux dérives également qui sont, selon certains auteurs, liées implicitement au système qui est en place actuellement. Alors, on va explorer cette thématique en leur compagnie. Alors, tout d'abord, en fait, je parlais de la crise de 2008. Ça, c'est un album qui s'appelle Hedge Fund, tome 1, qui vient de sortir, donc scénarisé par Tristan Rollot et Philippe Sobab, et qui est dessiné par Patrick Hennaff, qui sera avec nous. Ça, c'est en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, on discutera avec Clément de Goljak, qui a réalisé pour le compte de La Mauvaise Tête l'album Les Cordons de la Bourse, donc une critique du système qui est en place et de ses dérives. Alors ça, c'est pour le volet économique de l'émission. Également, on portera un regard sur un événement à caractère scientifique qui aura lieu à Montréal cette fin de semaine dans le cadre là-bas du mois de la BD qui bat son plein dans la métropole, il faut le dire. Alors, c'est la deuxième édition du colloque de recherche en art séquentiel qui va s'intéresser cette année à la question des emprunts stylistiques, des références, des citations au niveau visuel dans la sphère de la bande dessinée. Alors, on va décrypter un peu le thème et on va voir un peu qu'est-ce qui sera exploré dans le cadre de cet événement avec l'une des organisatrices de ce colloque, Marilyn Lauzon. Alors voilà, donc c'est le menu pour aujourd'hui, j'ai envie de dire tout ça et plus. Et sinon, dans l'actualité BD, peut-être quelques petits éléments à surveiller en ce début de mai, en milieu de mai en fait plutôt. Bref, on parle de prix, notamment donc du côté des libraires de France. L'album Les Vieux Fourneaux de Paul Coet et Wilfried Lupano, paru chez Dargaud, vient tout juste d'être choisi comme lauréat du 25e prix des libraires de bande dessinée. Alors dans cet album, Les Vieux Fourneaux, on suit l'histoire d'Antoine dont la femme Lucette vient de mourir, qui apprend par le notaire une autre mauvaise nouvelle. Des années auparavant, son épouse l'a trompé avec son patron. Le veuf décide alors de retrouver le coupable pour lui faire la peau et ses amis vont tenter de l'en empêcher. Livre qui est d'ailleurs disponible depuis peu, je crois, dans les librairies québécoises. Autre prix qui a été remis, le prix lycéen de la BD, donc toujours du côté de France, en fait, c'est une quinzaine de lycées de l'Académie de Toulouse qui ont participé à l'édition 2014 de ce prix. 17 albums en compétition, donc les grands prix ont été attribués à Severed de Snyder chez Urban Comics. Le prix du meilleur scénario lui a été donné à Peau de Lapin de Gauthier chez Misma. Le prix du meilleur album humour à Heavy Metal de Sécheresse chez Bayou. Et enfin, le prix du meilleur graphisme lui a été remis à Darkroom de Quintero chez Stenkiss. Donc ça, on parle de prix dont l'objectif est de mettre à la portée des élèves des albums et des auteurs vers lesquels leurs choix habituels ne les conduisent pas forcément. Donc d'où également la sélection de 17 albums. Et enfin, dernier clin d'œil à des prix remis tout récemment. Je le dis, il y en a quand même pas mal cette semaine. On est au milieu de mai, mais on se croirait presque en début d'année. Peut-être avec l'arrivée de l'été, on a la fin de l'année de parution standard, entre guillemets, évidemment, avec l'été où il y a toujours un certain ralentissement. Alors, autre prix, donc, c'est les prix Diagonale le soir, en partenariat avec la Fondation Raymond Leblanc, qui ont été annoncés. C'est le Berge Bernard Hilaire qui a été couronné grand prix pour l'ensemble de son œuvre, notamment sa série Sambre. Hilaire, en fait, qui a 57 ans, succède donc à Cosé. Sinon, le prix du meilleur album a été décerné à Melville au Lombard du Belge Romain Renard. Et le prix de la meilleure bande dessinée a été donné, elle, à Murena, des Belges Jean Dufault et Philippe Delaby. Philippe Delaby, on rappelle, décédé décédé en janvier dernier. Et enfin, le prix Raymond Leblanc de la jeune création a quant à lui été décerné à une Française, Hélène Vandersbusch, pour La fille cendrier, qui sera publiée prochainement au Lombard. Alors voilà pour ces clins d'œil sur différents prix. On part maintenant en musique, toujours ici à La vie en BD. Et un palimage de la semaine dernière, on poursuit donc dans cette compilation d'artistes qui donnent dans la 8-bit et dans le rock à saveur 8-bit aussi, dans une certaine mesure, avec une compilation qui s'appelle donc YM Rockers. On écoute un extrait de la formation Marcer. Et voilà donc extrait musical, formation et compilation qui nous suivra au fil de l'émission de cette semaine. En vous rappelant également que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Alors, tel que mentionné en ouverture, un album qui est apparu sur les tablettes des libraires en Europe et au Canada, qui s'appelle Hedge Fund, donc qui est paru en cours d'avril, si ma mémoire est bonne. Donc, scénario de Tristan Rouleau et Philippe Sabat, dessiné par Patrick Hennaff, qui s'intéresse donc au monde, à l'univers de la finance. Et pour nous en parler, pour nous présenter cet univers qui est exploré dans tout ça, eh bien, le dessinateur est avec nous, Patrick Hennaff. Bonjour. Bonjour. Alors, de manière générale, donc, qu'est-ce qui a mené vers ce projet? De ce que j'en ai compris, c'est un peu venu des scénaristes, en fait, Philippe Sabat et Tristan Rouleau. Oui, Tristan et Philippe se connaissaient, ils pratiquaient l'escrime ensemble. Et après l'escrime, ils parlaient chacun de leur monde. Et Philippe est un financier, il est président d'un fonds d'investissement en France en ce moment. Et déjà à l'époque, il était dans la finance et racontait ses histoires à Tristan, donc il a eu envie d'en faire une bande dessinée, et quand il en a eu l'occasion, il m'en a parlé. Et l'idée, évidemment, c'est qu'il y a un intérêt à travers ce type justement de propos-là, parce que c'est un univers qui est connu par certains initiés, mais d'autres comme moi, et j'imagine comme vous, avant de commencer ce travail-là, on plonge dans l'inconnu là, quand on parle de la grande finance. Ah oui, exactement. C'était complètement étranger à mon univers et mais j'ai rencontré donc Philippe quand il est passé à Montréal et il a su me passionner avec ses histoires. Et puis bon, le thème, je crois, est très actuel parce que suite à la crise, beaucoup de gens sont venus à s'intéresser à la finance, peut-être plus qu'avant. Mmh. Et donc voilà quoi. Et en fait, c'est la volonté annoncée peut-être autour de Hedge Fund, c'est un peu de dévoiler en trois tomes les dessous de la crise financière qu'on a connue, les impacts et le reste, donc de nous amener en coulisses de ce qui s'est passé ou de ce qui aurait pu se passer. Voilà, oui, exactement. Oui. C'est d'ailleurs d'expliquer des choses qui sont peut-être un petit peu opaques quand on s'y connaît pas, des mécanismes dont on a éventuellement entendu parler, comme ceux de Hedge Fund ou de la vente à découvert. Mais sans être rébarbatif et au travers d'un récit qui est un récit de bande dessinée un petit peu enlevé, un petit peu tendu, enfin voilà, c'est pas aussi difficile qu'un manuel d'économie et en même temps c'est très documenté et puis donc Philippe apporte aussi ce réalisme, la qualité de son savoir-faire quoi. Oui, parce que j'ai l'impression, en fait, en lisant Hedge Fund et en comparant avec d'autres produits BD qui sont intéressés à la sphère de la finance, c'est vraiment cet aspect, ce parti pris très axé sur le réalisme dans tout ce qui compose le récit qui en ressort et qui j'imagine, vient aussi peut-être distinguer un peu Hedge Fund de d'autres séries, justement. Mais ce qu'on voulait faire et ce qui représentait un petit peu le défi avec la série, c'est qu'on voulait vraiment rester sur une intrigue purement financière et pas avoir recours à des artifices d'aventure habituels en général des, dans les dans la plupart des séries qui s'intéressent à la finance. Il y a un fond, un décor financier, mais en réalité très rapidement ça, c'est des courses poursuites, de l'aventure et puis il y a du danger, mais qui vient pas purement de la finance. Or avec Hedge Fund, on voulait vraiment faire sentir toute la tension qui existe à travers ces mouvements financiers et puis les vies qui sont affectées par ça, celles des financiers, celles des gens qui ont rien à voir avec la finance ou qui pensent n'avoir rien à voir avec la finance. Et donc il y a beaucoup d'impact, c'est très vivant finalement. Et c'est ça qu'on voulait faire passer sans avoir besoin de d'explosions et d'effets comme ça un petit peu explosif, quoi. Oui, enfin, on se distingue là-dessus, en fait, dans de deux séries, par exemple, comme Largo Winch, comme IRS, notamment, dans lesquelles, justement, il y a un parti pré-action, où ça devient peut-être plus un thriller économique qu'une nouvelle économique, à proprement parler. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Les personnages sont des financiers et qui vont passer à travers une crise donc vraiment majeure, et certains vont perdre beaucoup. Et donc voilà, c'est ça qu'on voulait faire ressentir. Le danger vient de la finance, quoi. Et d'une certaine façon, au niveau du récit, donc au niveau de l'ambiance aussi du récit, on est plus dans le psychologique, dans les crises de moralité, dans les questions morales, dans les choix, dans les décisions, dans les enjeux qui sont liés à tout ça. Donc vraiment, c'est de la psychologie de personnage qui va venir à dominer tout ça. Voilà, c'est la psychologie des personnages, ceux qui sont vraiment au cœur de la finance et ceux qui la regardent un peu plus loin, et puis la mise en parallèle du regard des deux qui va aussi mettre un petit peu en exergue les problématiques morales liées aux pratiques financières actuelles. Et j'imagine que pour le dessinateur, pour le metteur en scène du récit, c'est quand même un défi différent de mettre en scène un questionnement moral ou psychologique versus justement, comme dans les autres séries, une scène de poursuite ou des trucs comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'il faut à la fois rendre ça quand même assez intéressant visuellement, mais sans trop en faire, parce que ce serait assez vite ridicule si les cadrages étaient trop spectaculaires pour avoir des échanges qui sont très très intimes ou très très psychologiques. Donc il faut essayer de trouver l'équilibre juste entre avoir quelque chose qui change et qui est quand même assez varié, et puis en même temps qui est pas trop distrayant pour qu'on puisse suivre quand même l'évolution des personnages qui est très psychologique. Et en même temps, justement, cette évolution psychologique-là, par exemple, de votre personnage principal, qui est un jeune trader, justement, qui débute dans le milieu, qui perce un peu à travers tout ça, il commence un peu un loser, il devient un gagnant au fur et à mesure que l'histoire avance. Et j'ai l'impression que votre manière de le dessiner, de le composer, en vient à changer aussi au fur et à mesure où il prend confiance en lui, au bout du compte. Tout à fait, mais ça, je pense que c'est pas propre à cette histoire-là. Je crois que on dessine les personnages différemment en fonction de leur personnalité, de leur mentalité ou de ce qui leur arrive. Et c'est vrai qu'au tout début de l'album, le personnage est probablement pas dessiné de la même manière que quand tout se passe beaucoup mieux pour lui et que les choses commencent à devenir plus faciles et plus agréables. Il y a une espèce de poids qui se ressent dans le dessin, même inconsciemment. C'est pas forcément réfléchi, mais ça se ressent, je crois. Et à l'intérieur de ça aussi, évidemment, on parle d'un récit qui est ancré dans le réel, qui se passe aussi à Hong Kong. Est-ce que ça amène une certaine dynamique de recherche, de représentation, pour s'assurer aussi que, justement, cet ancrage-là, est présent dans la psychologie des personnages, mais est aussi présent dans l'univers dans lequel on les place? Oui, Hong Kong était c'est le choix qui a été fait dès le départ, et ça vient aussi du fait que Philippe a travaillé dans les banques à Hong Kong pendant très longtemps, et un certain nombre de ses anecdotes venaient du temps passé à Hong Kong, donc on avait décidé de placer l'action à Hong Kong, et en même temps on s'est aperçu que la ville même était très appropriée au type de récit qu'on voulait faire dans le premier tome, et justement au côté un petit peu de fourmilière qu'a la ville, et puis l'anonymat d'une personne dans cette immense fourmilière, quoi. Oui, en fait, quand on regarde d'assez haut, il y a plus d'humanité d'une certaine façon, on peut l'oublier facilement. C'est un peu ça, ouais, c'est un petit peu ça, et puis en même temps, bon, c'est presque l'humanité qui est symbolisée dans cette ville gigantesque, quoi. La foule, enfin, quand on regarde Hong Kong, c'est l'impression qu'on a l'impression de voir toute l'humanité rassemblée dans une seule ville, quoi. Et est-ce qu'on travaille surtout à partir de photos, à partir de maquettes, des éléments comme ça, du visuel, pour réussir justement à bien recomposer la ville, à aller chercher les ambiances, parce qu'il y a des levées de soleil, par exemple, qui me semblent fort bien réussies aussi en ambiance, où je me dis, si j'y suis, ça doit ressembler un peu à ça. Donc, comment s'est passée la recherche à ce niveau-là? Ah ben, les recherches, c'est on prend tout ce qu'on peut trouver dans des livres, sur Internet, en regardant des films aussi. Il y a quelques films qui se passent à Hong Kong, spécifiquement dans le milieu de la finance, et donc sur une espèce de banque d'images, on finit par avoir un petit peu une idée assez correcte de... Moi, j'y suis jamais allé en personne. La question s'était posée, puis finalement, j'ai pas eu le temps au moment de commencer l'album. Mais le retour que j'en ai eu par des gens qui ont travaillé à Hong Kong, bon, est assez satisfaisant. Donc, je ne veux pas être si loin que ça de la réaliser. Et à l'intérieur de vos dessins, de vos planches, j'ai l'impression qu'il y a aussi, par moments, en fait, une espèce de déconnexion, entre guillemets, entre le personnage, les personnes qui sont, bon, qui vivent des émotions, leur réalité, ils sont expressifs, mais ils sont placés aussi dans des décors qui sont quand même, somme toute, assez froids. De manière générale. Donc, est-ce que c'était quelque chose qui était souhaité de votre côté? Ah oui, ça c'était tout à fait voulu. Et encore une fois, Hong Kong était un décor très bien pour ça, parce que c'est cette dimension, en tout cas dans les quartiers financiers, vraiment aseptisés, puis neufs, et donc tout est à la règle, tout est à base d'angle droit, de vitres. Enfin, ça a ce côté très froid, et c'est un peu l'impression que moi me donne aussi le tout ce qui est tout le décor de la finance, quelque chose d'un petit peu interchangeable, et puis auquel les gens n'attachent aucun intérêt, et donc il n'y a pas réellement de caractère. Et c'est une des caractéristiques, c'est de ne pas avoir de caractère. Et donc ça, c'est ce que j'essaie de rendre aussi en ayant des décors assez froids, et en espérant que les personnages, eux, se détachent, comme vous le soulignez. Et en même temps, ça ajoute aussi à leur psychologie. Je veux dire, ça donne le ton d'une personne qui a un intérieur aussi anonyme ou qui a même pas le réflexe d'organiser son espace de bureau, mais ça en dit sur qui il est aussi, d'une certaine façon. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Et très souvent, les gens n'ont pas de bureau, de poste à eux. Ils changent. Donc, tout est ce côté un petit peu interchangeable et absolument pas important. Donc, en même temps, ce sont des gens qui brassent des grosses sommes d'argent, mais... concrètement, matériellement, c'est pas forcément, ça se traduit pas forcément par des possessions ou par un, donc c'était aussi ça l'idée de rendre ça vraiment, il y a pas de photo de la famille de Carval sur son bureau, il y a rien qui le rattache en fait à son environnement. Et à l'intérieur de tout ça, évidemment, il y a toute la dynamique aussi, comme on le mentionnait dès le départ, de plonger à l'intérieur de ce milieu-là, de le découvrir. Donc, il y a une dynamique, dans le fond, où d'un côté, on raconte le récit, mais de l'autre côté, il faut aussi expliquer au lecteur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le vocabulaire. Donc, il y a un côté didactique aussi, surtout dans un premier tome. Donc, comment on jongle un peu avec ces deux aspects-là dans la création, justement, de la mise en scène de tout ça? Le côté didactique, c'est un petit peu la partie de Tristan. C'est-à-dire que Philippe présente ce qu'il y a à dire et la façon dont il faut le dire, parce qu'il peut pas lui raconter n'importe quoi. Ensuite, Tristan doit s'assurer que c'est un petit peu, c'est pas trop lourd, c'est assez enlevé, puis ça s'inscrit dans le récit. Et donc me présente à moi le scénario. Alors parfois, je suis un petit peu le premier lecteur du scénario tel qu'il a été raffiné par Tristan, et parfois je suis obligé de dire si c'est un peu, ça reste trop lourd. Donc à ce moment-là, il peut y avoir un travail, mais ça c'est surtout la partie de Tristan, quoi. Et ensuite rendre le côté didactique. Je pense pas que dans le premier tome ça devienne rébarbatif, et en même temps ça reste exact, et puis ça donne toutes les notions nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le récit. Oui, ben en fait c'est plus le genre de réflexion qu'on a, j'ai l'impression, quand on termine l'album et on dit, mon Dieu, finalement ça aurait pu être très, très, très touffu, et on réussit à éviter cet écueil là aussi, justement. Et on se rend compte à quel point, justement, il y a du matériel, mais seulement après l'avoir fermé, après, en y repensant, en repassant sur l'album. Oui. Ben ça c'était vraiment une nécessité, et puis quelque chose à pas louper. Donc on a vraiment fait l'album en ayant ça en tête. À aucun moment il va falloir être lourd, quoi. Et évidemment, c'est un premier tome. Vous travaillez, j'imagine, déjà sur le deuxième. Le troisième est déjà programmé aussi. Est-ce que vous avez déjà un calendrier de sortie assez ancré, ou il y a une certaine souplesse de ce côté-là? Alors, le deuxième tome doit sortir en octobre en France. Donc, je suppose que ce sera un mois plus tard au Québec. Mm-hmm. Et quant au troisième tome, il était initialement annoncé pour avril. Mais là, ça risque peut-être d'être un peu serré. Donc, ce sera peut-être un peu plus tard, mais en principe, ça va être assez rapproché de toute façon. Donc, je dirais milieu d'année 2015 pour le troisième, puis octobre, ça c'est sûr, pour le deuxième qui est presque fini. Et Patrick Hanaf, de travailler sur une série comme celle-là, est-ce que ça amène une nouvelle compréhension peut-être du système et, dans le fond, des nouveaux constats aussi qu'on se fait en tant que citoyen, au bout du compte, face au système qui est en place? Oui, bien sûr, oui, parce que bon, non seulement le récit en soi, et puis les notions qui sont abordées spécifiquement dans l'histoire, bon, ben, je les découvre aussi et j'essaie de les comprendre. Mais bon, tout le travail de recherche fait autour de la série pour essayer de voir plus clair, bon, m'a amené à découvrir plein de choses et à m'y intéresser aussi petit à petit de plus en plus. Donc, oui, je suis très content justement d'avoir pu avoir l'occasion de m'intéresser à ce sujet-là que je connaissais très mal finalement. Alors, bon, on invite les gens évidemment à s'y intéresser aussi. Donc tome 1 de Hedge Fund qui est arrivé il y a déjà quelques semaines. Patrick Hanaf, dessinateur, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Voilà, donc Patrick Hanaf, dessinateur donc de Hedge Fund, scénarisé par Philippe Sabat et Tristan Rouleau. C'est disponible au Lombard et, ben, comme il l'a dit déjà, donc un agenda assez rapproché côté sortie. On aura sûrement l'occasion de porter d'autres regards sur cette série au fil de la prochaine saison de La Vie en BD. Toujours dans la série YM Rockers, donc on vient d'entendre un petit extrait de la formation Gwem. Et ben, parlant de prix aussi, on en parlait en introduction, ben, il y en a d'autres aussi qui s'en viennent du côté québécois cette fois. Donc c'est dans le cadre aussi du mois de la BD, du Festival BD de Montréal, que sont remis par promo 9e art les prix Bellilist. Et cette semaine, ben, les finalistes 2014 ont été annoncés. Alors qui sont-ils? Eh ben, dans leur cas, donc c'est quatre catégories: Bellilist Monde, Bellilist Québec, Bellilist Indépendant et Bellilist Jeunesse. Donc pour la catégorie Monde, on parle donc de Frédéric Peters avec le tome 3 de Hama, Le désert des miroirs. On parle aussi de Joseph Lambert avec son Annie Sullivan et Ellen Keller, donc en traduction chez Ça et Là. Il y a aussi Miguelido Prado avec Ardalen, Vent de mémoire. Anders Nielsen avec Big Questions. Le Commis Prima d'Alfred, qui avait été couronné d'ailleurs à Angoulême cette année. Donc, Grand Prix, si je me trompe pas. Enfin, le prix principal. Bref, Manuel Effiard avec L'entrevue chez Futuropolis et Mauvais genre de Chloé Cruchaudet chez Delcourt, qui, eux deux, s'étaient retrouvés en nomination aussi au prix BDIS Causa un peu plus tôt cette année. Les ombres d'Hippolyte et de Zabu, Orignal de Max de Radigues, et enfin, pour clore cette catégorie, ces souvenirs de l'Empire de l'Atome d'Alexandre Cléris et Thierry Smolderen. Alors ça, c'est les prix Monde, donc meilleur dessiné de langue française diffusé au Québec au cours de l'année dernière. Pour le prix Bélis Québec, donc meilleure bande dessinée professionnelle qui est publiée au Québec, eh bien ici on parle de l'abominable Charles Christopher, premier tome de Carl Kerschel. On parle de l'Amérique ou le disparu de Réal Godbout à La Pastèque. Des deuxièmes de Sviane aux éditions Pawpaw qui, elle, avait obtenu le prix Ville de Québec au Bélis Cosa. Les pièces détachées de David Turgeon et Vincent Giard à La Mauvaise Tête. Et enfin, Ville et misérable de Samuel Quentin aux éditions Pawpaw. Et encore là, ben, on voit plusieurs croisements, que ce soit entre les palmarès de nos chroniqueurs et collaborateurs et journalistes BD québécois dont on vous avait fait état au début de l'année, avec les prix également Bélis Cosa. Donc je pense qu'il y a déjà plusieurs incontournables qui se sont exprimés et qui se sont fait connaître au fil de l'année dernière. Sinon, Bélis Jeunesse, ici c'est vraiment un métissage. Enfin, on parle de bouquins qui ont été publiés au Québec, donc autant d'auteurs québécois que d'étrangers. C'est fait par un jury de jeunes lecteurs dans les succursales du réseau de la bibliothèque de la ville de Montréal. Alors ces jeunes lecteurs ont sélectionné le tome 4 de L'Agent Jean, la prophétie des 4 d'Alex A, le tome 35 d'Astérix, Astérix chez les Pictes de Didier Conrad et Jean-Yves Ferry, d'après évidemment les personnages d'Uderzo et Goscinny. Le tome 1 également de Clat Éveil de Joël Jurion et Antoine Ozanam, de même que le tome 1 de la série Gibi de l'auteur de Victoriaville Sampar, donc Une odeur de soufre. Et enfin, le tome 1 de Luca Coup d'envoi de Bruno Dequier. Alors ça, c'est pour Bélis Jeunesse. Et enfin, eux ont aussi une catégorie qui s'appelle Bélis Indépendant, où ils invitent en fait les gens qui ont fait des publications indépendantes à leur faire parvenir leur publication, du moins un exemplaire. Et ensuite, ben eux portent un jugement sur ce qui leur a été envoyé. Et donc, ils ont retenu cette année Garder le rythme d'Antonin Buisson, Grip de Jake Dion et Dominique Carrier, Le son de la pluie de Sviane, Silent Worlds de Carlos Santos et Tibonum de Billy Mavrias. Les deux derniers ont été publiés via la maison d'auto-édition Trip. Alors donc ça, c'est pour les prix Bélis 2014. Alors ça va être remis le 1er juin prochain du côté du Lion d'Or à Montréal, soirée d'ailleurs qui sera suivie d'un match d'improvisation de la Ligue québécoise d'impro BD. Et donc des prix qui ont été sélectionnés, nous dit-on, par un jury composé de libraires, de bibliothécaires et de lecteurs chevronnés. Alors voilà, si vous voulez avoir la liste complète d'ailleurs des finalistes 2014, mais vous la trouvez sur mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Voilà. Alors là-dessus, on prend une courte pause et à venir, mais on parle de finances et on parle de création BD. Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Un festival qui vous offre la possibilité d'allier économie et écologie. Une navette partira de Québec pour Tadoussac de la gare du Palais vendredi le 13 juin à midi. Le retour vers Québec se fera dimanche le 15 juin à 13h de Tadoussac. 20$ par trajet. Paiement sur place en argent comptant. Informez-vous sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Vendredi 23 mai 20h, le théâtre Petit Champlain propose Sarah Toussaint Léveillé et Catherine Durand en plateau double. Mais moi je m'en fous de toi et de tout tes tralala. S'il y a bien une seule et unique chose. Sarah Toussaint Léveillé est une auteure, compositrice, interprète qu'on dit hippie folk, garçonne bohème, confortable, un brin hipster. Chaque spectacle est différent selon le pouls du moment. Un cinquième album en poche, Catherine Durand présente son spectacle en duo, inspiré des sonorités des murs blancs du Nord. Catherine a choisi de revisiter ses nouvelles chansons, de les adapter pour une rencontre avec son public en toute intimité. Une pluie de silence, la ville en suspens. Billets disponibles à la billetterie du théâtre Petit Champlain au 418-692-2631 ou sur le réseau Billettech. Du 22 mai au 7 juin, le Carrefour international de théâtre vous invite à la grande fête du théâtre. Le spectacle « Où tu vas quand tu dors en marchant » est de retour. Les jeudis, vendredis et samedis, de 21h à 23h, venez déambuler dans le quartier Saint-Roch où plus d'une centaine de comédiens, danseurs, musiciens et acrobates revisitent les lieux. Voyez Québec comme vous ne l'avez jamais vu. Rousse ou blonde, laquelle choisir? Qu'elle soit rousse ou blonde, les bières de CKRL sont faites à partir d'ingrédients bio certifiés et réalisés par les maîtres brasseurs de la microbrasserie La Barberie. Les bières rousses et blondes de CKRL sont disponibles chez l'accommodation GD au 500 3e Avenue à Limoilou, au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, maintenant situé au 469 rue Saint-Jean, au Bal du Lézard au 1049 3e Avenue à Limoilou, et au bar Le Sacrilège au 447 rue Saint-Jean. Rousse ou blonde? Je pense que je vais essayer les deux. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout juste avant 100 % Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez écouter nos émissions de la saison et des saisons précédentes en balado-diffusion, eh bien, c'est possible via lavieenbd.wordpress.com. Alors, tel que mentionné en ouverture, petite thématique économique qui s'est imposée au fil de l'édition de cette semaine. Et donc, deuxième regard sur le système capitaliste en place, ses dérives possibles avec un ouvrage qui nous vient de la mauvaise tête, en fait, de l'auteur Clément de Goljac. Ça s'appelle « Les cordons de la bourse » et l'auteur est avec nous au bout du fil. Clément de Goljac, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ben, peut-être pour commencer, je vous laisserai peut-être le soin de nous présenter justement ce livre d'art, ce livre-objet qu'est « Les cordons de la bourse ». Oui, alors ben, c'est un livre qui prend sa source dans... un travail que j'ai fait de soutien au mouvement étudiant en 2012, où j'ai dessiné beaucoup d'affiches en soutien à la grève, affiches dans lesquelles j'ai tenté de mettre en scène, si on veut, le discours du gouvernement de Charest de l'époque, et notamment ces brutalités langagières. Je trouvais qu'il fallait trouver une manière de riposter. Et ben, quand le mouvement s'est estompé, je me suis posé la question de comment faire pour continuer à dessiner politique, si on veut, alors même que c'était plus dans le cadre d'une mobilisation. Et puis, c'est ça, c'est en cherchant à faire évoluer le vocabulaire graphique et le type de petite machine dialectique que j'avais inventée que j'ai débouché sur la formule là des cordons de la bourse, qui est une nouvelle mise en scène, si on veut, des discours de l'idéologie dominante, mais plus tellement celle du gouvernement ponctuel, mais plutôt peut-être un discours médiatique ambiant, celui qu'on entend quand on ouvre la radio qui vante tout à la fois l'excellence et l'austérité, ou lucidité agressive et l'aveuglement volontaire. En fait, des espèces d'injonctions contradictoires comme ça avec lesquelles j'avais envie de travailler. Oui, des injonctions contradictoires qui, j'ai l'impression, aussi en viennent dans le langage populaire et dans l'esprit populaire à faire presque office d'autorité, en fait, d'autorité langagière, autant qu'éventuellement d'autorité, je dirais pas dogmatique, mais presque dans une certaine mesure. C'est ça, et puis j'avais envie de travailler avec, pas tellement pour dénoncer l'absurdité de ces discours, parce que dans le fond, ça, j'ai l'impression que tout le monde est capable peut-être de démonter, ou en tout cas, j'ai pas fait un ouvrage de sciences économiques, hein, moi je suis pas du tout compétent pour ça, mais j'ai voulu travailler avec ce que ça nous fait, ces discours-là. Mmh. En fait, comment ces injonctions contradictoires peuvent nous travailler au corps et nous miner de l'intérieur, et en essayant de représenter ça, donc avec par le truchement de devenir momie là de tous mes petits messieurs d'affaires. En fait, c'était pas tellement pour les dénoncer eux dans le fond que pour imaginer qu'on est tous des petits messieurs d'affaires en train de se transformer en momie. Et effectivement, de questionner notre rapport face à ces situations-là, face à ces dérives langagières-là, ces dérives de principes-là, et de dire, ben justement, est-ce qu'on est en train de s'auto-momifier au bout du compte en continuant de poursuivre dans cette voie-là? Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez mortifère dans ces discours, c'est-à-dire que au bout d'un moment, dans tous les nouveaux mots là, ben, en ce moment d'ailleurs, on entend il y a une espèce de nouveau délire verbal là autour de l'austérité, qui est plus l'austérité, qui est la rigueur, qui est le gouvernement de la vérité, le gouvernement de la réalité. Il faut serrer la ceinture, le régime minceur. Il y a toute une nouvelle gamme là, de métaphores, de régimes métaphoriques qui est utilisée. Et je pense que c'est, le discours ainsi tordu. La langue est très appauvrie, c'est-à-dire que on l'installe comme ça dans un régime métaphorique sur lequel on peut à peu près plus discuter politique, en fait. Mmh. Et je pense qu'il y a un appauvrissement de la langue dont on souffre tous. Et de prendre ces thématiques-là, ces éléments-là, qui sont, à leur façon, déjà peut-être un peu détournés de leur sens premier, et on fait un peu un double détournement par l'image, par l'imagerie qu'on associe à ces mots-là dans les cordons de la bourse, dans la mesure où vous détournez un détournement, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. et puis c'est vrai que là, je parle beaucoup du langage, mais c'est un livre dessiné. Et là, pour les personnages, les situations, j'ai vraiment voulu, inventer encore une fois quelque chose d'assez générique. En fait, c'est pas des personnages qu'on suit, c'est pas des personnages qui ressemblent vraiment à, qui incarnent des vraies personnes. C'est plutôt comme des espèces de petits fétiches, je dirais, moi. Et on les suit, on plonge un peu avec eux dans ce tourbillon-là pour se retrouver justement progressivement, comme on le disait tout à l'heure, dans cette momification-là, et toujours avec un différentiel entre ce qui est présenté et ce qu'on associe normalement à ce type d'expression-là lié à la sphère économique, à la sphère du capitalisme, à la sphère de la rigueur, de l'austérité, etc., etc. Oui, c'est vrai. Au fur et à mesure que le livre évolue, il y a un divorce entre les légendes, les mots, le discours et les images. Le divorce est de plus en plus prononcé. En tout cas, il y a une espèce de jeu de vibration entre ce qui est énoncé et ce qui est dessiné, où ça correspond jamais. Il y a toujours un perpétuel décalage qui, je pense, peut créer parfois de l'humour, parfois de l'inconfort, parfois la réflexion. Et enfin, en fait, allez-y. Oui, non, je vous écoute. Alors, j'allais dire, en fait, est-ce que ça en vient aussi peut-être à la limite dans chaque planche à une lutte de pouvoir entre l'image et le mot, entre les deux qui essaient justement de dominer un peu dans l'esprit du lecteur, dans l'esprit de l'observateur? Moi, je cherche toujours dans mes... C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnaient les affiches que j'ai fait pendant la grève. J'essaie toujours que quand il y a une légende ou quand il y a des mots dans l'image qui créent quelque chose qui souligne pas ce qu'on voit, mais qui, comme souvent, mettons, il va falloir que ça dise le contraire ou une certaine forme de contraire. C'est pour ça que je parlais de petites machines dialectiques tantôt, parce que je trouve que un dessin est résolu ou une solution graphique est trouvée quand ça se met à tourner, en fait, quand il y a une espèce d'énergie entre le dessin et le mot. Et qu'on n'arrive pas à fixer notre attention là. En fait, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on nous dit, mais on comprend quelque chose, en fait. Et en même temps, ça force justement, j'ai l'impression, une interprétation active, page par page, autant que pour l'ensemble, mais reste que, justement, nécessairement, c'est un livre qu'on observe et qu'on réfléchit aussi. On ne peut pas rester passif en avant d'un travail comme celui-là. Ah ouais, tout à fait, ça me fait très plaisir là d'entendre ça, parce que c'est exactement comme ça que je travaille. En fait, c'est vrai que mais c'est peut-être ma formation d'artiste plus que de venir de, comment dire, du domaine des arts visuels. Et c'est vrai que c'est un domaine où généralement on n'a pas une participation assez active du spectateur, c'est-à-dire que on compte beaucoup sur son interprétation pour faire fonctionner le sens du travail. Et c'est vrai que dans le cas du livre, je sais pas, vous l'avez présenté comme un livre d'artiste, puis c'est un peu comme ça que je le conçois aussi. En effet, tout est dans la reconfiguration dans l'œil du spectateur, en fait. Et c'est un peu aussi dans la suite, vous avez mentionné votre mécanisme, parce que c'est un peu ce qu'on avait vu, que ce soit à l'œil de poisson à Québec, ça a été exposé aussi à Montréal, ça a été publié au Cartanier, mais avec le livre noir de l'art conceptuel, où il y avait encore là cette dichotomie entre l'image et les mots qui l'accompagnent et leur légende, entre guillemets. Oui. Tout à fait, c'est vrai que c'est la formule du dessin légendaire, j'avais déjà utilisé dans le livre noir de l'art conceptuel. Donc en redessinant un peu quelques moments iconiques du mouvement d'art conceptuel, mais en accumulant, si on veut, les mauvaises interprétations, c'est-à-dire en le comprenant mal exprès, c'est-à-dire que les légendes, à la fois le dessin était un premier détournement, parce que je recopiais les photos emblématiques de l'art conceptuel, mais donc sans réfléchir véritablement dans un premier temps au sens de l'œuvre. mais en essayant de le réinventer complètement, comme si un petit peu, en jouant un peu au jeu du téléphone arabe, quoi, comme si on me l'avait répété dans l'oreille et puis que je le disais à voix haute, mais en tordant un peu les choses, et puis avec une deuxième épaisseur de détournement, où à partir du dessin où j'étais arrivé, j'essayais de le faire résonner avec des petites phrases de la vie quotidienne, des petits reproches mesquins d'une vie quotidienne, très très décalée par rapport aux attendus de l'art contemporain ou de l'art conceptuel. Et comme avec les cordons de la bourse, j'ai l'impression qu'on est, comme on le disait tout à l'heure, en fait, dans la lecture active, mais donc dans le questionnement, dans la réflexion, mais aussi il y a quelque chose de très ludique dans la manière dont vous avez à nous proposer, dans la manière par laquelle vous choisissez de nous proposer aussi ces réflexions-là. Ah oui, tout à fait, parce que je pense que l'humour est vraiment une façon d'avoir prise sur le monde, et puis en ce qui concerne les cordons, par exemple, je pense que c'est un livre qui j'espère, crée de l'inconfort, mais crée aussi une possibilité d'avoir prise sur les choses par l'humour, et notamment ces choses sur lesquelles on a tendance à désespérer d'avoir prise, comme justement le capitalisme tardif. On compte plus les discussions sans fin où le monde se navre de n'avoir absolument aucune prise. Et si j'ai une ambition avec mon travail, et puis notamment avec ce livre, c'est d'essayer, aussi modeste soit-elle, de donner des prises, c'est-à-dire de pas être dans la critique, j'allais dire vaine, mais c'est pas tellement que je pense qu'elle est vaine, mais c'est qu'on s'épuise en critique et en considérant que ça va pas. Et puis j'essaye, moi, de retrouver des prises, c'est-à-dire de voir les points saillants, de travailler avec, c'est pour ça que je disais de travailler avec ce que ça nous fait, c'est-à-dire d'apporter des solutions en plus, enfin, pas trouver des solutions pour résoudre les problèmes, mais trouver des idées en plus, en fait. Redonner de la place à l'imagination, à la possibilité de s'emparer des choses. Oui, puis en sortant un peu, j'ai l'impression aussi d'une manière standardisée de critiquer le système, de critiquer ses dérives, où on est un peu des fois pogné dans certains archétypes de questionnement, dans une certaine inaction aussi, mais effectivement, ça nous permet, comme vous dites, d'amener les choses ailleurs, en fait, d'aller peut-être, je dirais, plus loin ou en parallèle, ou faire le saut, des choses comme ça. Oui, c'est ça, pour sortir du cycle infernal de la consommation et de la culpabilité, par exemple, de sentir que les choses vont pas, mais que de pas savoir comment faire pour changer sa vie. C'est-à-dire que une des clés de la critique en ce moment, c'est de toujours penser que si on change notre mode de vie, on va arriver à changer le système, alors que on se rend bien compte que le capitalisme n'arrête pas de récupérer, par exemple, tous les changements qu'on essaye d'instaurer, il les récupère pour aller de plus en plus vite. Donc c'est vrai que, encore une fois, très très modestement, j'essaye de décaler le regard, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les marges, plutôt que dans une critique frontale où on voit qu'on s'en fait déposséder à chaque fois. Et on invite les gens à plonger avec vous justement dans ce regard, dans cette réflexion, avec les cordons de la bourse. Clément de Goljac, merci beaucoup. Ben, on vous remercie aussi. Et au plaisir. Au plaisir, au revoir. Voilà donc les cordons de la bourse, ouvrage disponible à La Mauvaise Tête depuis quelques semaines déjà. Donc c'est, je le rappelle, de Clément de Goljac. Alors, toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, on poursuit ici à la vie en BD. Et je l'avais mentionné d'entrée de jeu, je vous le rappelle, donc mois de la BD du côté de Montréal, Festival de la BD qui s'en vient également à la fin du mois. Et dans le cadre des multiples activités BD qui sont présentées dans la métropole dans cette période, eh bien, il y en a une à caractère scientifique qui aura lieu cette fin de semaine, donc le 25 mai, à la Sala Rossa à Montréal. C'est le deuxième colloque de recherche en art séquentiel qui est présenté sous le thème « Signature dans la bande dessinée, style en emprunt et collaboration ». Alors, qu'en est-il de cet événement et de la thématique? Eh bien, pour en discuter, on est en compagnie d'une des organisatrices de ce colloque, Marilyn Lauzon. Bonjour. Bonjour. D'abord, en fait, deuxième édition de ce colloque. Qu'est-ce qui avait mené à la mise en place d'un événement de ce type-là? En fait, c'est un événement qui se passe dans la programmation off du Festival BD de Montréal et ça a un peu germé dans nos esprits lors de la première édition du festival, il y a maintenant 3 ans. En fait, 2 ans, c'est la troisième cette année, où j'étais bénévole avec bon, une de mes collègues d'études. Et on s'est mis à parler comme quoi ça serait bien intéressant de faire un colloque, puisque nous, on aime beaucoup la BD, mais n'étant pas dessinatrice, n'étant pas auteur, comme on connaissait assez bien le milieu académique, on s'est dit que c'était peut-être quelque chose qu'on était en mesure d'apporter au domaine de la BD. Donc, un colloque annuel qui permettra aux gens de se réunir pour discuter de bande dessinée. Donc, on a mis ça en place pour la deuxième édition du Festival BD qui avait lieu l'année dernière et ça a été un franc succès. Donc, on récidive cette année. Et est-ce qu'on avait l'impression, justement, qu'il y avait un manque, qu'il y avait un vide de ce côté-là? Parce que souvent, dans les événements BD, on parle d'exposition, de dédicaces, de spectacles, d'activités de formation, plus d'un point de vue édition, dessin, mais jusqu'à maintenant, il y avait peu d'initiatives dans un point de vue scientifique, analytique, autour de ça. C'est ça. Il y en avait de façon plutôt sporadique, mm-hmm. ici et là, mais rien d'organisé et qui dure assez longtemps pour que vraiment ça acquiert une notoriété, que ça se fasse connaître vraiment. Donc, il y avait des petits événements parfois dans le cadre universitaire, mais c'était plus ou moins connu et couru. Et nous, notre idée, parce qu'au début, ça crée une certaine méfiance à certaines personnes dont j'en parlais, qui me disaient « Oui, mais les BDistes sont pas nécessairement des gens qui ont fait des études dans le domaine littéraire. Peut-être que ça va les effrayer. » Raison pour laquelle on a décidé aussi que l'événement se situe en marge et non pas directement à l'université, mm-hmm. pour que ça ait un côté un peu plus, je sais pas. Grand public, tout public. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour que ce soit plus grand public et plus convivial, on va dire. Mais oui, définitivement, on croyait qu'il y avait un manque à combler de ce côté-là. Qu'on espère faire. Et en même temps, j'ai l'impression aussi dans le contexte de la BD québécoise, parce que bon, la dynamique européenne est bien différente, mais ici, mm-hmm. De par justement la présence uniquement d'activités sporadiques, mais reste qu'il y a toujours aussi la question de légitimité, dans la mesure où si on pousse autant, par exemple, l'analyse stylistique, l'analyse narrative dans la bande dessinée, qu'on pourrait la pousser, par exemple, en littérature traditionnelle, entre guillemets, mais ça légitimise aussi la production BD qui se fait. D'une certaine façon. Absolument, oui, c'est tout à fait. C'est un de nos objectifs, la légitimation du domaine de la bande dessinée au Québec. Bien sûr, notre colloque ne porte pas uniquement sur la bande dessinée québécoise, mais le fait qu'il y ait un événement de cette nature-là au Québec, les gens pensaient que c'était très important puisqu'il y en a à plusieurs endroits dans le monde et ici, on n'avait pas cette tradition-là dans la recherche. Et pour l'édition 2014, Marilyn Lauzon, vous avez choisi, donc le comité organisateur, de demander des communications sous le thème « Signature dans la bande dessinée, style, emprunt et collaboration ». Alors, pourquoi avoir choisi ce thème-là? Qu'est-ce qui faisait que vous aviez envie de proposer ça justement à la communauté cette année? On souhaitait un terme qui soit assez large. L'année dernière, on avait parlé d'esthésie, donc les sens, l'ouïe, la vue, l'odorat dans la bande dessinée, quelque chose qu'on pouvait aborder du point de vue thématique ou formel. Et cette année, on souhaitait aussi avoir un thème justement qui laisse une place très grande à un large éventail de sujets. Donc, avec l'idée de la signature comme signature spécifique à un auteur ou celle, par exemple, d'une maison d'édition, on avait l'impression qu'on pouvait parvenir à obtenir des propositions de communication assez variées. Mm-hmm. D'ailleurs, l'année dernière, on avait eu, malheureusement, c'est le hasard qui avait fait les choses comme ça, on n'avait eu aucune proposition sur le comic book. Et on s'est dit, ah, peut-être en proposant quelque chose comme ça avec l'idée de la rivalité entre maisons d'édition ou de la signature graphique propre à chacune d'entre elles, de graphique ou thématique, mm-hmm. qu'on pourrait peut-être avoir plus de propositions de cet ordre-là. Et ça a été le cas, justement, puisqu'on a trois ou quatre belles propositions sur le comic book cette année à l'oral. Effectivement, parce que c'est intéressant dans la mesure où quand on parle de signature, par exemple, d'un auteur, ben, l'impression que c'est plus à la limite un travail collectif quand on partage comme ça un personnage qui transperce et traverse les époques, et en même temps une dynamique aussi dans la maison elle-même où, par exemple, le style de Vertigo sera pas le même que le style de DC, donc d'une branche à l'autre, etc. Donc, il y a une dynamique particulière de ce côté-là en lien avec le thème que vous proposez. Mm-hmm. Et on aura, c'est ça, une communication qui mettra en relation DC et Marvel, une autre Vertigo et Image, ça a vraiment à donner comme ça, c'est un peu hasard, donc on est vraiment contents. Et une autre communication de Francis Ouellet de l'émission Les Mystérieux Étonnants qui viendra nous parler de l'évolution de la figure du Joker. Donc, on pourra tâter un peu de ces thèmes-là, justement, au cours du colloque. Et parallèlement, quand on parle de signature, évidemment, on parle aussi, ou on en vient à parler de l'idée d'emprunt, l'idée de référence. Et évidemment, oui. Ça, au niveau visuel, ça s'exprime différemment d'au niveau narratif. Mm-hmm. On aurait pu avoir... des choses, par exemple, sur le plagiat. Il y en a pas eu dans nos propositions, mais on a l'idée d'emprunt qui va être abordée par deux conférencières qui vont ouvrir la journée et qui vont parler de la reprise d'œuvres du canon artistique dans la bande dessinée, notamment à travers les œuvres Tuer Velasquez de Philippe Girard, qui est vraiment une bande dessinée québécoise magnifique, où il y a la reprise d'œuvres de Picasso et de Velasquez, mais qui sont vraiment... reprise, comment dire, intégrée au style de Girard, tandis que la conférencière Marion Lejeune nous parlera de l'emprunt à ses grandes œuvres dans la bande dessinée Le ciel au-dessus du Louvre de d'Hissler, mm-hmm. où là, il y a vraiment un respect de la signature de ces œuvres-là qui viennent être, à s'opposer au style de tout le reste de la BD. Donc, c'est vraiment deux façons différentes d'intégrer les grandes œuvres, et c'est comme ça que va être abordé surtout le terme de l'emprunt. Un peu à l'image, en fait, des mouvances actuelles aussi, où il y a beaucoup, par exemple, au cinéma, beaucoup de citations de créateurs actuels vers des œuvres plus anciennes ou autres. Et dans la BD, dans ce qu'on va voir au colloque, ça semble être plutôt, du moins dans l'orientation et le hasard qui a fait les choses dans les communications soumises, mais plus ancré justement sur le passage, par exemple, des arts visuels vers une intégration ou un référentiel à l'intérieur de la BD, plutôt qu'entre créateurs et entre styles de créateurs BD entre eux. C'est comme ça que ça s'est dessiné, oui, mais c'est le hasard qui a fait les choses ainsi, comme vous le disiez. Parce que sinon, en fait, justement, l'idée autour de la signature, en fait, ça venait un peu de comment l'auteur de BD développe son propre style. Et on avait cette idée-là, parce que souvent, on sait que les auteurs disent qu'ils ont commencé en imitant les autres, et parfois, ça a causé des problèmes aussi dans l'édition de quand est-ce que l'auteur a vraiment son propre style. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de plagiat quand c'est trop ressemblant ou qu'est-ce qu'on fait de cette question-là? Donc, c'est des considérations qui ont mené à la thématique du colloque. Ça ne sera peut-être pas abordé directement, mais c'est sûr que l'idée aussi, c'est qu'il y a des périodes de questions entre chaque conférence et aussi pendant les pauses, c'est que tout le monde peut se parler de la thématique et donc ça crée vraiment une sorte de d'ébullition d'idées là, au cours de la journée. Et autre élément ou autre angle par lequel vous envisagez la signature pendant le colloque, c'est la création justement de la signature. Il y a un de vos conférenciers qui va explorer ça, mais dans la construction aussi, dans la sphère de la BD autobiographique, autour de l'idée de création de l'auteur-personnage, donc de création de ces avatars dessinés-là qui sont mis en scène ensuite par leur créateur. Absolument, oui, c'est Émile Dupré qui va nous parler, en fait, c'est le sujet de son mémoire de maîtrise, où il parle de Seth, Chester Brown et, je lis toujours au troisième, les auteurs canadiens, en fait, qui s'utilisent même les uns les autres dans leur bande dessinée autobiographique. Et il va parler de cette question-là qui, oui, est tout à fait intéressante là, du point de vue de la création du style d'un personnage et de cette signature récurrente autobiographique qui revient par la suite et qui dialogue même avec celle d'autres auteurs. Et au niveau des communications, comment se fait un peu la sélection? Est-ce qu'on y va plus face à une espèce d'analyse scientifique ou académique? Est-ce qu'on va chercher des gens qui viennent plus de ces milieux-là ou on y va pour une variété? Donc, comment ça se passe un peu? Cette année, bon, les conférenciers, ce seront des étudiants, enseignants, animateurs, libraires, lecteurs de BD. ça donne comme ça puisque on a vraiment un comité scientifique qui évalue les propositions de façon totalement anonyme. Mm-hmm. Donc l'appel à la proposition, à la contribution fait à l'automne et une fois l'hiver, quand on a tout reçu, on le soumet à un comité scientifique formé de professeurs d'université, enseignants de cégep, bibliothécaires, libraires, qui chacun de leur côté, bon, émettent leurs commentaires et évaluent les propositions. Et puis on suit vraiment à ce que eux gardent. En raison de bon de la, est-ce que ça correspond à ce qui était demandé au niveau du thème, est-ce que ça semble montrer des aptitudes à la recherche, et à partir de ça on forme l'horaire du jour. Ça serait un peu problématique si on savait les noms des personnes, on a l'impression, parce que le milieu est tellement petit, je veux pas que ça pourrait mener à du favoritisme là. Déjà on connaît personnellement plusieurs personnes qui sont au menu, parce que justement parce que le milieu est pas très grand, donc on préfère les soumettre de façon anonyme pour pas qu'il y ait de favoritisme. Et en espérant que des idées comme celle-là et le succès qu'elle remporte du côté de Montréal amènent peut-être aussi le désir d'en organiser ou que d'autres prennent le relais pour en faire à Québec ou à Gatineau, par exemple. Je vous le souhaite tellement. Ça serait chouette. Parce que c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, c'est sûr que bon, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire directement au cœur du festival de BD. Nous, c'est pour ça qu'on aime se situer un peu en périphérie, puisque ça demande quand même toute une journée. Là. Mm-hmm. Puis même l'année dernière, on avait eu tellement de propositions, deux journées aurait pu être remplies totalement. Donc, mais d'avoir un événement comme ça, justement, autour d'un festival, pour avoir un temps différent, c'est tout à fait intéressant et pas besoin d'être dans le milieu académique pour avoir du plaisir à participer à un événement comme ça. C'est vraiment tout public. Alors, je le rappelle, c'est le 25 mai, donc de 9h30 à 17h à la Sala Rosa, c'est du côté de Montréal. Donc, colloque de recherche en art séquentiel, deuxième édition. Marilyn Lauzon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et bon colloque. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, nous, donc c'est ainsi qu'on termine cette édition. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le colloque, eh bien, cherchez tout simplement Fait colloque de recherche en art séquentiel sur Google. Vous allez le trouver. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Passez une excellente fin de semaine sur les ondes du 89.1 CKRL. Et dans quelques instants, Jean-Sébastien Grandin et Soulfinger.